Quarantaine 2020, DJ Kish Cool. Passer son temps à être enfermé. Cool, même en vous, j'y vais me. Retour. De l'or, monte le genre, monte le genre. Méca school. Passer son temps à être enfermé. Passer son temps à être enfermé. Ça a été un bordel sans nom. Ok. Hugo, Hugo, on rentre dans le barrio. Cache qu'on retourne la partie. Ok, ça ira. Qu'est-ce qu'on prend? Je vais réfléchir. Catastrophe. Qu'est-ce qu'on prend? Je vais réfléchir. New logic. J'ai besoin de prendre ses précautions. J'ai dit cash cool aux manettes. Quarantaine 2020.